à toutes et à tous. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 542. Hélas, l'avant-dernière saga des Fab Four de l'année. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais me faire opérer de l'épaule le 28 novembre. Donc ce sera terminé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à mi-janvier, le temps que on me donne l'autorisation de reconduire, parce que conduire avec une épaule endommagée et un gros harnais qui empêche le bras de bouger, franchement, c'est pas pratique. Mais on n'est pas là pour parler de ça. L'album de la semaine, je me fais plaisir pour les dernières émissions, les deux dernières, c'est Egypt Station, sorti par Paul McCartney en 2018. On écoutera I Don't Know, Come On To Me, Happy With You, Hand In Hand, Do It Now, et vous vous y attendiez, Hunt You Down, Naked et Ceiling, puisque j'adore ce morceau. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles, forcément. Pour Lennon, ce sera Since My Baby Left Me sur Main Love Avenue en 1986. Harrison nous chantera Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur Living in a Material World de 1973. Quant à Ringo Starr, ce sera Est-ce que je t'ai dit dernièrement que je t'aimais? Have I told you lately that I love you? Sur Sentimental Journée, en 1970 aussi. Quant aux Beatles, ils nous chanteront tout simplement Love, Love Me Do, parce que ça fait 60 ans déjà que c'est sorti, c'était en octobre 1962, et on est en novembre 2022. Que le temps passe vite. Quand j'ai démarré cette émission, Love Me Do était sorti 22 ans plus tôt. Mon Dieu, que ça passe! En tout cas, vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et on va démarrer cette saga avec Monsieur Paul McCartney qui va expliquer lui-même la chanson I Don't Know. Il le dira, il expliquera à chaque fois qu'on sera sur une chanson de l'album de la semaine. I don't know, I wrote this after going through a difficult period, like people have, nothing sort of madly serious or anything, but just one of those days when it's like, oh my God, what am I doing wrong here, you know? And sometimes that's a good way to write a song, because you're coming from your soul. And we often used to say that writing a song was like talking to a psychiatrist, a therapist or something, because you're saying it, but you're saying it in a song and rather in a room to a specialist. Yeah, so it was me just thinking this problem out and putting it into a song. Love cette chanson aurait dû faire partie de l'album Rock and Roll. Elle est extraite de toute façon de ces sessions-là. Mais bah peut-être parce que à l'époque on choisit les chansons et puis on en laisse de côté. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, elle est restée inédite jusqu'à la réédition de l'album sur lequel maintenant figure cette chanson-là. Ah, celle-là, vous l'aimez. Et moi aussi, je l'aime. Donne-moi de l'amour, donne-moi la paix sur terre. C'est toujours valable, alors que ça date de 1973. George Harrison, sur RIG. En 1970, je le dis souvent, Ringo Starr surprenait tout le monde en sortant deux albums la même année. Il a sorti Sentimental Journey, une chanson, un album plutôt, qui est fait pour faire plaisir à sa maman, dixit Ringo Starr. Des chansons des années 30-40, mais qui vont très bien au timbre de voix de Ringo. Et un album country enregistré en une quinzaine de jours à peu près, à Nashville directement. Et la country, c'est parfait pour le style vocal de Ringo. Mais il n'a pas fait que ça. Il a également participé à l'album Plastic Ono Band de John Lennon. Il a participé à All Things Must Pass de George Harrison. Il était à fond Ringo Starr en 1970. Le seul truc, c'est que non, il n'a pas aidé Paul McCartney cette année-là en tout cas. Il s'est rattrapé après. Voici une de ses chansons sur l'album Sentimental Journey. Have I told you lately that I love you? Sur RIG. Have I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told

yes it will, yes it will now. Franchement, cet album Egypt Station, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Il n'y a que du bon dedans et je vous propose d'en décortiquer 4 ou 5 ou 6 morceaux, je ne sais plus. Enfin, plus de 4 et moins de 7. Donc, c'est ce soir et c'est dans la saga des Fab Four, l'avant-dernière, la numéro 542. Du temps des Beatles aussi, il y a eu plusieurs chansons qui ont été proposées aux Beatles et qui sont restées dans les tiroirs jusqu'à ce que les ex-Beatles finalement le ressortent. C'est le cas de John Lennon pour Give Me Some Truth. Nous allons écouter la version travaillée avec les Beatles, qui a été mise de côté, puis à la suite, la version qui est ressortie sur l'album Imagine de John Lennon. Alors ça, c'est la version avec les Beatles. Where's the band? Where's Harry's songs? Or should we do a hypocrite and write that bit? Do you know the other bits? My bits, I don't. Sick and tired of rearing lions by seasick, narrow-minded shorts and hypocrite. All I want is the truth. We should change the guys, tell me some truth. I've had enough of reading lines by so-sick down, hard-sided politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Exciting as the other one. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother her, but top so meek, but just a pocket full of hope. Money for dough, money for row. Just a pocket full of soul. Allons-nous promener du côté de 1976, l'excellent album 33 and one third, c'est-à-dire 33 et un tiers, qui était à peu près l'âge de George Harrison à cette époque, en 76, et qui était également le nombre de tours qu'avait un 33 tours lorsqu'il passait un CD, un disque, je veux dire, voilà. Voici George Harrison sur RIG et Beautiful Girl. She's thinking of You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Les Beatles avaient déjà décroché deux fois la première place des charts durant l'année 1963. Mais c'est le 45 tours She Loves You qui les plaça réellement au sommet, ce qu'ils appelèrent à l'époque, en se moquant des superlatifs à la mode, « the topmost of the popmost ». Ce qui ne veut pas dire grand-chose, hein. Sauf que « most », ça veut dire « le plus », donc le plus haut du plus haut, un truc comme ça, on pourrait dire un truc, quelque chose à peu près équivalent. Ces ventes dépassèrent non seulement tout ce qu'ils avaient réussi précédemment, mais firent même de ce titre la plus forte vente de la décennie. Il entra dans le top 20 en août 63 et n'en sortit qu'en février 64, ne perdant la première place qu'en novembre 63, au profit de « I Want to Hold Your Hand » des Beatles. Le triomphe ne fut pas uniquement commercial. En à peine plus de deux minutes, les Beatles distillèrent l'essence de tout ce qui faisait leur fraîcheur et leur force. Tout était là, le rythme, les harmonies vocales, les « wouhou » qui avaient tant plu sur « From Me to You », et surtout leur enthousiasme communicatif. Cerise sur le gâteau, on y découvrait les yeah yeah yeah que la presse du monde entier reprendrait et qui seraient à l'origine de la mode yeah yeah en France. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le père de Paul McCartney avait dit à son fils « Mais tu dis yeah yeah yeah, donc ouais ouais ouais, pourquoi tu ne dis pas yes yes yes ?» C'est-à-dire oui oui oui, ce qui semblerait plus approprié. On retrouve... l'album de la semaine, l'album c'est Egypt Station en 2018 de Paul McCartney, et il va nous expliquer cette chanson, la chanson qui suit, Happy With You. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Yeah, I was on holiday and I was just noodling around on my guitar and I was thinking about the days when I had a lot of free time and used to just sort of lie around basically doing nothing all day and getting a bit stoned and just doing nothing really, busy doing nothing. And so I'd got this little riff on the guitar and the words came to me, you know, I used to lie around all day, I used to get stoned, I used to like to get wasted, but these days I don't. So it's a song about growing up. You know, there's a period in your life and in some people's lives when they're not being as productive or not being as organized or disciplined as they may later turn out to be. So this was basically it. Sing, walk a bluebell carpet,

que McCartney fasse encore des lives, que McCartney fasse un nouvel album, ou que McCartney sorte de nouvelles collections, comme par exemple, je dis ça au hasard, Back to the Egg en coffret, etc. J'ai été partagé sur fasse un nouvel album, oui, parce que le dernier album, c'est McCartney 3, qui date de 2020, donc on est en 22, donc ce serait bien qu'il pense à faire un nouvel album. Là, il va partir en tournée, donc il va peut-être pousser à l'année prochaine ou l'année d'après un nouvel album. Et j'ai été partagé entre ça, faire un nouvel album ou sortir des coffrets encore, parce que moi j'attends Back to the Egg. Quant à faire des lives, oui, peut-être, mais pour moi c'est moins important. Peut-être parce que je l'ai vu déjà 6 fois, je crois. Et voilà. Mais bon, tant qu'il continue à faire des disques, eh bien, on continuera à faire la saga des Fab Four ici sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Maintenant, le riff le plus connu du monde. A Hard Day's Night. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Éric Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. I need somebody, help. Not just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? should be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find out I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Rythme trépidant des Beatles. En 1964, deux albums, For Sale et Hard Day's Night. Un film, Hard Day's Night, dont on vient d'entendre la chanson juste avant Help. Cette chanson-là, d'ailleurs, vient d'une fantaisie de Ringo Starr qui, en sortant d'une session d'enregistrement, dit « Oh, il a quel dur jour, nuit !» Parce qu'il s'est rendu compte quand finalement, il voulait dire journée, il faisait nuit au moment où ils sont sortis. Donc, ils ont gardé ça. Et il a créé Hard Day's Night, voilà. Et puis en 1965, un an plus tard, deux albums, l'album Help, dont on a entendu la chanson Help, et l'album Rubber Soul, plus le film Help, dans la même année, plus des tournées, hein, bien entendu, j'ai oublié de préciser ça, plus entre les deux, chaque année, des 45 tours. Et à part ça, on disait que John Lennon passait son temps à dormir. Ben, je ne crois pas. John Lennon bossait comme tout le monde et à cette époque-là, ils ont mérité chaque grain de succès qu'ils ont eu, les Beatles, j'en suis convaincu. Pour Help en tout cas, c'était une des premières fois que John Lennon commençait à appeler au secours. Il trouvait que la célébrité, ça commençait à être un peu trop énorme pour lui et il se sentait moche, il se sentait gros et donc, oui, je sais ce que c'est, et donc il appelait au secours et ça tombait bien puisque c'était le titre du film. Allez, on change tout, on est un petit peu en avance, mais je pense qu'on pourra rattraper ça plus tard, puisque Paul McCartney nous parle avant chaque chanson, ce qui fait que ça perd du temps. Nous allons retrouver le fils de John Lennon, Julian Lennon, qui sur son nouvel album Jude, sorti en 2022, nous chante ce titre, Lucky Ones, sur RG. Might not be forever, but I know that we're the lucky ones.

mama. Everybody's smoking, no one's getting high. Everybody's flying, never touch the sky. There's UFOs over New York, and I ain't too surprised. De Lennon, sinon rien. Eh bien, De Lennon, l'instant, c'était extrait de Double Fantasy, la chanson Watching the Wheels, une chanson que j'adore, que Lennon a qualifiée de la petite fille de A Man Is Sleeping, puisqu'en gros, les paroles disent la même chose. Dans A Man Is Sleeping, il dit « Je ne fais que dormir et rien d'autre ». Et là, lui, il dit qu'il regarde les roues qui tournent et c'est tout ce qu'il fait de sa journée globalement. Alors que c'est quand même pas tout à fait exact. Mais bon, en tout cas, il revenait à 40 ans dans une forme éblouissante, il se sentait bien, il était débarrassé de ses démons, et il pensait qu'il avait toute la vie devant lui. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon ça va m'énerver. Bon, et auparavant, c'était une chanson qui aurait pu figurer sur l'album Double Fantasy, et qui s'appelait Nobody Told Me, extrait de l'album Milk and Honey, posthume à la mort de John, avec des chansons qu'il avait commencé à travailler, qui ont été un peu finies en studio, mais qui n'étaient pas, peut-être, sait-on jamais, dans la formule totale. C'est pour ça que, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, j'ai suggéré que, au lieu de faire un album Double Fantasy avec des chansons de John, des chansons de Yoko et des chansons de John, heureusement que maintenant on a les CD, et même mieux que ça, maintenant on a iTunes sur lequel on peut enregistrer seulement les chansons qui nous intéressent, eh bien, il avait voulu, il aurait pu prendre des chansons de 83 là et les mettre dans cet album Double Fantasy et l'appeler par exemple Fantasy. Et c'était très bien comme ça. Et il aurait dit à Yoko, vas-y, sors ton truc ta maison de disque, celle que tu veux, de toute façon ça marchera pas, et ce sera très bien comme ça. Et nous on aurait été contents. Allez, on lui en veut pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Voici deux fois les Beatles, Day Tripper on commence, et après il y aura 8 Days a Week. Oui, c'est la fête ce soir, c'est l'avant-dernière saga de la saison, pour des raisons personnelles. Mais rien n'est grave, tout va bien. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant,

steps I'm taking, the decision that I'm making is the right one, or I'm never gonna know. Got the time, the inclination, I have answers your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. Pascal, dans le groupe La Saga des Fab Four, demande ce qu'il dit dans la chanson. Évidemment, il comprend un peu moins bien l'anglais que moi, donc ça n'est pas forcément évident. McCartney, avant, a dit que c'était son père qui disait « fais-le maintenant tant qu'il est encore temps, parce que peut-être que plus tard, ce sera trop tard. » Et il s'est rappelé de ça. Et là, il dit dans la chanson « fais-le maintenant tant que ta vision de l'événement est nette, tant que tout ce qui est... » prêt pour le faire, c'est là, maintenant, et ne le repousse pas à plus tard, ce que tu peux faire maintenant, en gros. Et c'est une très, très belle chanson. On revient en arrière, mais franchement, puisqu'on arrive en 1974, sur l'album Goodnight Vienna, et voici l'une de mes chansons préférées sur cet album-là. C'est une chanson triste, mais avec le grain de voix de Ringo Starr, c'est assez génial. Voici Husbands and Wives sur RIG. Lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. My belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. A woman and a man and a woman, some can and some can't and some such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Good night, Vienna, on Apple Records and tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. Un petit coup de pub de la part de John. Et voici encore Ringo, You've Got a Nice Way en 1981 sur l'excellent album Stop and Smell the Roses. Smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? Ce titre, en 1981, Ringo avait reçu, et ça se sent quand on écoute les chœurs, l'aide de l'un des Crosby, Stills et Nash, je ne sais plus lequel des deux, il me semble, c'est David Crosby qui l'a aidé. Il faudrait que je vérifie ça sur la pochette et je ne l'ai pas sous les yeux actuellement. Tiens, vous l'avez entendu derrière moi, un petit bruit de micro. C'est en quelques minutes, une vingtaine de minutes à peu près, que vous aurez Johnny de A à Z avec le retour enfin du roi de la radio, Eric, pour son émission, donc qu'on écoute avec passion tous les mercredis, ou presque. I look at all the lonely people.